Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL et dans ce, pour finir cette émission, nous accueillons maintenant Aurélie Lévy qui est au téléphone pas très loin d'ici. Bonjour Aurélie. Bonjour Valérie. Alors, mille excuses Aurélie, on s'est trompé d'indicatif pour introduire ta prestation au microphone, mais tu vas quand même nous parler des nouvelles de l'Université Laval. Eh oui, tout à fait, je ne vais pas changer d'une semaine à l'autre, je vais continuer à vous parler de l'Université Laval. Je sais que vous avez déjà eu une émission riche en sujets qui touchaient l'Université Laval, vous avez reçu Robert Beauregard, c'est ça, pour vous parler de conserver ou exploiter la forêt québécoise. Oui. Eh bien, on va continuer dans cette veine-là. On ne va pas parler de la forêt québécoise, mais on va parler des autres nombreuses activités qui peuvent être grand public et qui sont organisées avec des chercheurs de l'Université Laval. Et entre autres, je voulais vous parler aujourd'hui du Festival international du film ethnographique. Du film ethnographique? Oui, alors en gros, on va parler d'anthropologie. Des études des hommes, il y a différents thèmes. Alors, ça commence le 29 janvier et ça finit le 31. Mm-hmm. Alors, c'est un festival international qui a lieu donc au Québec. Il y a des projections qui vont avoir lieu à Montréal et il y en a qui auront lieu à l'Université Laval à Québec. Alors, par exemple, des thèmes aussi variés que les émotions, les religions et les festivités, les luttes politiques ou modernité mm-hmm. et tradition seront abordés. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et par exemple, samedi, il y a un film sur les marmites Khmer. Alors, on va pouvoir. C'est un film qui propose de suivre une famille Khmer traditionnelle avec le processus de fabrication de la poterie et comment ils arrivent à vendre leurs marchandises dans un mm-hmm. contexte de commercialisation de produits étrangers. Alors, on sait que de plus en plus de produits internationaux sont à vendre partout. Nous, on le voit dans nos magasins. C'est la même réalité dans d'autres pays. Alors, comment ces personnes qui font encore de l'artisanat peuvent vendre leurs produits face à une commercialisation étrangère? Je pense que, pour moi, c'est un des sujets qui me paraissait très intéressant. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi varié que, par exemple, un film sur le visage de la résistance en Géorgie. Mm-hmm. Ou un autre film très intéressant qui s'appelle « White Sunshine Weather ». Qui est le suivi de la vie d'une maison d'accueil et de prise en charge de personnes qui ont une déficience mentale, mais en âge avancé. Mm-hmm. Alors, souvent, on ne parle pas beaucoup des personnes âgées, encore moins des personnes ayant une déficience mentale. Là, c'est un film qui va aborder les deux sujets. Donc, ça peut aussi être... Oui, c'est assez curieux parce qu'on parle des fois des personnes bon, qui ont une maladie mentale, mais soit qui sont jeunes ou relativement jeunes adultes. On parle des personnes âgées, mais je n'ai jamais entendu parler des deux en même temps. Oui, moi, j'avoue que quand j'avais vu le détail, le résumé de ce petit film, je me suis dit que ça pouvait être un sujet assez intéressant parce que c'est très rarement abordé. Oui. Et donc, sous un angle vraiment plus... anthropologique, j'avoue que je pense être parmi les personnes qui iront voir cette projection. Mm-hmm. Alors, si vous voulez le détail des projections, parce que là, je vous ai fait des petits résumés, mais il y en a des dizaines de films qui vont être... Alors, il y en a qui sont plus longs que d'autres, hein. Il y a des petits films de 30 minutes seulement. Il y en a qui sont donc plus d'une durée de une heure, un petit peu plus. Il y a toujours des débats qui suivent ces films-là. Alors, pour consulter la programmation, direction votre internet au www.fifeq pour Festival international du film ethnographique du Québec, donc fifeq.ca. Mm-hmm. Alors, sinon, vous allez sur le site de l'Université Laval, vous allez voir, il y a toutes les redirections. Le programme, donc, ça commence vendredi 28 janvier avec un 5 à 7 à l'atrium au pavillon Charles de Coninck. Et ensuite, durant toute la fin de semaine, ben, il va y avoir des projections. Donc, je vous encourage à aller voir cette belle initiative. Ben oui, est-ce que sais-tu si c'est payant? Non, d'après moi, c'est gratuit. En tout cas, ce que je vous ai donné, les films que je vous ai donné, que j'avais sélectionnés, sont gratuits. Je vous avoue que la programmation est tellement variée que je n'ai pas regardé tous les films dans le détail. Mais en tout cas, il y a une bonne partie qui est gratuite. Donc là, c'est des films qui sont réalisés par des chercheurs en anthropologie de l'Université Laval et d'ailleurs dans le monde. Oui, et d'ailleurs dans le monde, ouais. Tout à fait. Il y a des films qui ont été mis en compétition dans d'autres pays. Il y a un film mexicain, je pense qu'il a gagné une dizaine de prix déjà cette année dans d'autres compétitions, dans le domaine du film ethnographique, mais aussi dans le domaine du film de façon plus générale. Donc c'est sûr que c'est des films qui seront accessibles grand public. il y a aussi des films d'étudiants. Le premier jour, vendredi soir, c'est des projections étudiantes. Mm-hmm. Donc, des films d'étudiants, et sinon, ce sont majoritairement, effectivement, des chercheurs qui s'associent avec des gens du monde un peu plus de l'audiovisuel pour nous donner, fin de compte, un compte-rendu, un point de vue un petit peu différent de notre héritage anthropologique. Mm-hmm. Bah, ça fait un programme assez chargé pour les jours et semaines qui viennent, là, entre ce festival de films et puis, bon, les conférences sur l'eau et la table ronde la semaine prochaine, la table ronde sur la foresterie la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'activités en tout genre, à toute heure. C'est des belles activités, je trouve ça. Genre, moi, j'étais vraiment surprise, agréablement surprise de voir toutes ces conférences qui ont lieu en même temps. C'est sûr que ça va être difficile de choisir. Oui. On ne peut pas se départager tout le temps. Mais ça montre quand même que la science a vraiment une vocation grand public. Que c'est pas parce que science et élitisme, ça ne va pas forcément ensemble. Mm-hmm. Donc, ça montre qu'il y a plein de conférences. On invite les gens vraiment à se déplacer. C'est vraiment le fun parce qu'on peut participer à ce genre d'événements. Alors, parler aussi parce que c'est aussi des événements où les chercheurs, les conférenciers, ça donne aussi la parole au public. Donc, c'est aussi l'occasion de parler avec ces gens-là. Oui, et puis de les échanger, de poser des questions. Des fois, on lit un article, mais ça ne répond pas forcément à la question que nous, on se pose. C'est ça, exactement. D'avoir la personne en face de soi, ça permet, si on n'est pas trop timide, des fois, ce n'est pas facile. C'est vrai. Mais quand on passe cette barrière-là, c'est sûr que ça permet de faire aussi enrichir le débat, parce que même les chercheurs qui connaissent leur sujet à fond, des fois, des points de vue externes de personnes qui ne travaillent pas dans le domaine, c'est vraiment très, très enrichissant. Mmh. Donc, je sais que c'est un exercice qui peut vraiment être agréable d'un côté et de l'autre, en fait, de la conférence. Mmh. Donc, la science sort de sa tour d'ivoire, finalement. Oui. Tiens, on va rester dans le cadre de l'architecture. En parlant de tour d'ivoire, on va faire un petit tour en Égypte. Il y a un projet d'une collaboration de l'Université Laval pour aller voir comment est construite une pyramide en Égypte. Oui. Quelques informations là-dessus. Pas n'importe quelle pyramide, Valérie. Une des sept merveilles du monde, à savoir la pyramide de Khéops. Attention. Oui. On ne parle pas d'une petite vulgaire pyramide. Mais là, parce que je ne me souvenais plus de quelle pyramide c'était. Je comptais que tu allais nous dire laquelle. Bah oui, mais heureusement que tu ne l'as pas dit, sinon tu aurais volé mon punch. Là. Donc, effectivement, en fait, y a la faculté des sciences et de génie va être mise à profit pour essayer de percer le mystère de la construction de la pyramide de Khéops. Alors, c'est un peu mystérieux tout ça. C'est ce qu'on aime un peu dans ces histoires aussi. En fait, ça fait plus de 4500 ans que cette pyramide a été construite. Et sa construction, genre la méthode utilisée pour sa construction, c'est toujours une énigme. On ne sait toujours pas comment ils ont réussi à faire ça. C'est fascinant, ça, quand même, qu'on ne le sache pas. Oui, puis alors on dit qu'ils n'avaient pas les outils qu'il y avait à notre époque. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait? Donc là, le professeur Maldag et son équipe vont procéder. Genre, pour l'instant, c'est sous réserve de l'approbation du gouvernement égyptien encore. Mais en tout cas... C'est bien parti pour à la vérification d'une théorie qui a été avancée par un architecte français. Et d'après cet architecte, la pyramide, en fait, aurait été érigée à l'aide de rampes intérieures, en fait, des rampes qui auraient été disposées le long des parois avec un angle de 7 degrés. Et en poussant les gros blocs de calcaire, en fait, avec des rondins de bois qu'on a fait rouler, on aurait réussi à monter ces gros blocs de calcaire d'un poids moyen là, de 2,5 tonnes, on pense pas à un petit caillou, là, jusqu'au sommet de la pyramide. Alors, il faut savoir quand même, cette pyramide, elle a 137 mètres de haut, donc on parle... Ça fait beaucoup de blocs. On utiliserait une grue de nos jours pour faire ça, puis ils n'en avaient pas à l'époque. Et elle est en calcaire, Aurélie? Oui, tout à fait. C'est étonnant, parce que ça serait attaquable par les pluies acides, ça. En tout cas, c'est des blocs de calcaire. À l'époque, il n'y avait pas de pluie acide. Ouais, c'est peut-être ça, puis c'est peut-être... J'avoue, j'ai pas fait de recherche, François, sur l'impact du calcaire en Égypte présentement, mais effectivement, c'est des blocs de calcaire qui constituent la pyramide de Khéops. Et donc, toute l'idée, c'est de savoir est-ce que cette théorie, donc des rampes intérieures, est valable. Mais pour le savoir, il faudrait casser la pyramide pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sacrilège. Voilà, donc on ne peut pas faire ça. Et donc, c'est là qu'entre en jeu l'équipe du professeur Maldag. Eux, ils sont experts en matière de vision infrarouge. Donc, on permet de voir, en fait, la détection de chaleur émise par les objets. Mm-hmm. Et ils ont mis au point une technique qui permet de voir au travers ces épais blocs de pierre sans les casser, sans les abîmer, mm-hmm. et donc de révéler la structure interne de la pyramide. Mm-hmm. Alors, grâce à cette, fin de compte, vision de super-héros, il pourrait peut-être voir s'il y a vraiment ces rampes internes dont nous parle l'architecte français à l'intérieur de ces pyramides, mm-hmm. et donc ça validerait cette théorie, et on saurait enfin, 4500 ans après, comment est-ce que les Égyptiens ont fait pour ériger la pyramide de Khéops, si c'est pas fantastique, mais ouais. en tout cas, on voit qu'il y a des énigmes qui durent à travers le temps, et la science, ça sert aussi à ça, à mettre de l'avant comment est-ce que nos ancêtres l'ont fait, et il y a une équipe québécoise de l'Université Laval qui va travailler sur le projet. Donc, c'est à remarquer. Mmh. Donc, les pyramides, finalement, renferment bien des mystères. Hein? Oui, pas que des momies. Ouais, ouais. Exactement. En tout cas, c'est une affaire qu'il va falloir suivre parce que je pense qu'on va vouloir savoir la solution, on va vouloir savoir la fin de l'histoire. Ben, on va continuer à suivre ça et peut-être si le professeur Maldab ou quelqu'un de son équipe, quand ils seront de retour d'Égypte, peuvent venir en studio, ça sera un grand plaisir de leur en parler. Ben oui, absolument. Ben alors, merci beaucoup Aurélie pour ces nouvelles de l'Université Laval. Ben, je vous en prie. Et puis, ben, nous, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, pour ce jeudi 27 janvier.